Shaolin. Shaolin in the French Connection. The legend O.K. Reed. In the French Connection. En bas d'un bloc à teaser l'alcool, se plaignant d'un vécu misérable, refuse de grandir comme Michael. Là où des mecs plombent, d'autres mecs tombent. J'aurais pu d'être plombé les pecs bombés. Il tient le chrome avec Ray Kwong. Idolâtrer un mec comme Tony Montana. Ce fils de lâche sniffe la coke et néglige sa nana. J'en connais plein qu'on a dans le crâne. Un calme, sans fait séduire par le charme de béton. J'aurais pu gagner, mais sans fait gagner par la street man. I grew up on the crime side, New York Times side. Now I'm in France, 91 C-Town. Canal Projects with the ill thugs. Word up, it's real love when we dealing with drugs. Make money, that's the motto. Carry big hammers. Blow your face off the stunt, this is on camera. Grew up wild, a full fifth child. About to get down, me and O'Kane re-explain. Ailleurs de bois, il a 4 ans, speed, l'escalade check. Ice, water, ink, old carry, Raekwon the chef. From Park Hill to 91 P's. Gangsters link up, ice, water, ink, and O'Kane. We all think ailleurs de bois, il a 4 ans, speed, l'escalade check. Ice, water, ink, old carry, Raekwon the chef. From Park Hill to 91 P's. Gangsters link up, ice, water, ink, and O'Kane. Ayo, ayo, drugs get served when it's nighttime. Bodies get found. So many young niggas getting lifetime. Don't know nothing but the scrape up. That's French shit. In other words, son, get your cake up. We live in the hood. The medicine is real dangerous. We sell it doing re-ups and rock ranges. You kill for me, I kill for you. This is real talk. Hope y'all niggas feel this is real talk. C'est la street, niggas. C'est plus qu'une histoire de fric. Je vois mes types qui marchent en équipe pour honorer l'Afrique, niggas. C'est ces classiques, t'as vu. Si vous les grailles, j'ai quitté le bail bien trop tôt et le quartier. Je prendrai ma part, pas par hasard, comme à la roulette. Je vais tout mettre, jeu des sous, mec, baiser des poulettes. J'ai fait de la manute, plein de cartons dans des brouettes. Hey, si tu veux me voler ma part, je te mets une boulette. Ailleurs de bois, il a 4 ans, speed, l'escalade check. Ice, water, ink, old carry, Raekwon the chef. From Park Hill to 91 P's. Gangsters link up, ice, water, ink, and no cane. We all think ailleurs de bois, il a 4 ans, speed, l'escalade check. Ice, water, ink, old carry, Raekwon the chef. From Park Hill to 91 P's. Gangsters link up, ice, water, ink, and no cane. Yeah, Mike est un flingue. Pour mon hood, un bat clin d'œil. Du genre, j't'envoie une patate canne à l'état, t'es rien en Inde. Right. My shit a let off like two texts. From 91 to Park Hill, holding my steel. We rap a new set. Des garros qui s'en sortir, mes galères ivres. Oublier les erreurs du passé, un mental et revivre. Yeah, the game is deadly. Learn from it, don't be a victim. Caught your fire, you better swerve. Plus facile de sortir le gun que de se battre. Plus facile de mal parler, alors les imposteurs jacques. Plus facile de mentir, alors les imposteurs brassent. Plus facile de matraquer, alors les inspecteurs. Victor Bobby, yo. Shep and O'Kane Ree. A boucle quartier t'as eu. Shep and O'Kane Ree. Shep and O'Kane Ree. A boucle quartier t'as eu. Shep and O'Kane Ree. Ailleurs de bois, il a 4 ans, speed, l'escalade check. Ice, water, ink, old carry, Raekwon the chef. From Park Hill to 91 P's. Gangsters link up, ice, water, ink, and O'Kane. We all think ailleurs de bois, il a 4 ans, speed, l'escalade check. Ice, water, ink, old carry, Raekwon the chef. From Park Hill to 91 P's. Gangsters link up, ice, water, ink, and O'Kane. We all think it's Shep and O'Kane Ree. Shep and O'Kane Ree. Shep and O'Kane Ree. Shep and O'Kane Ree. The legend O'Kane Ree. What up?